Chapitre 23e, l'homme au capuchon. La représentation finie, Miss Eden, ayant passé son costume de ville, sortit du cirque et gagna son auto, qui s'était rangé, comme chaque soir, le long du trottoir. Le valet de pied lui ouvrit la portière de gauche. Miss Eden monta par cette portière, et pendant que le valet de pied la refermait et prenait sa place auprès du chauffeur, la portière de droite s'ouvrit. Une auto venant en sens inverse, lentement, à cause de l'encombrement, s'était arrêtée à la hauteur de l'auto de la plus belle des femmes, presque portière contre portière. Rien de plus facile alors pour Paulin Broquet que de sortir de sa voiture pour passer dans celle de Miss Eden sans que ce mouvement ait pu être remarqué. La voiture de Paulin Broquet descendit alors vers la rue Royale. Celle de Miss Eden remonta vers le boulevard Haussmann. Miss Eden, sans être surprise, sans s'en étonner, admirant seulement la hardiesse, l'habileté, la souplesse de Paulin Broquet, lui fit une place à ses côtés. Et tous deux, ils roulèrent silencieusement, regardant instinctivement chacun par la glace de la portière près de laquelle ils se trouvaient, pour essayer de voir si on leur donnait la poursuite. Puis, au bout d'un moment, comme la voiture entrait dans l'avenue du Bois, Miss Eden cessa de regarder au dehors. Elle se pelotonna dans le fond de la voiture. « Bonsoir, » fit-elle alors avec une grâce exquise, tournant vers Paulin Broquet son merveilleux visage qu'éclairait le plus radieux des sourires de femme. Paulin Broquet commença. « Je vous demande pardon. »« Point, » lui dit-elle, « c'est convenu. Quand cela sera nécessaire pour l'un ou pour l'autre de nous, nous pourrons sans préambule et sans excuse disposer brusquement ainsi l'un de l'autre. » Elle demanda. « En quoi puis-je vous être agréable ?»« J'ai besoin de voir le piège électrique où s'est pris l'homme qui a essayé de pénétrer chez vous. »« Bien. » fit Miss Eden, « c'est facile. » Et elle ne parla plus jusqu'à la villa. Venant dans votre voiture avec vous, et pénétrant ainsi chez vous, nul ne pourra me voir, ni se douter de quoi que ce soit, je l'espère. Peu après, Miss Eden descendait de l'auto. Elle conduisait Paulin Broquet jusqu'à la porte du pavillon de cristal. « Voici le piège, » fit-elle, désignant le bec de canne de la porte. Ceci, pensa le détective, se rappelant qu'il avait lui touché impunément. Mais moi... Oui, oh, pour vous, répliqua Miss Eden, quand j'attendais votre surprise, votre venue secrète, je ne faisais pas amorcer les pièges. Merci, dit Paulin Broquet. Puis il demanda. C'est donc ici, devant la porte, que vous avez trouvé le lingot de métal, le bouton de nacre et le bout de manchette brûlé. C'est ici. Cela vous a donné la preuve que c'était cette porte qu'on avait essayé d'ouvrir. Je le savais avant de découvrir, à terre, ce que vous possédez maintenant. Sans doute, chaque signal est relié à un tableau vous indiquant aussitôt quel est celui qu'on vient de toucher, et par conséquent où se trouve l'homme qui essaie de pénétrer ici. Parfaitement. Paulin Broquet demanda encore à Miss Eden quelques renseignements sur la force du courant. À cette tension, dit-il, quand, avec sa bonne grâce exquise, la plus belle des femmes, lui eut répondu, à cette tension, un homme devait être fortement blessé, paralysé, sinon brûlé atrocement et tué, je le crois. Si donc de celui-ci vous n'avez trouvé que cela, c'est que ses complices l'ont emporté, sans que nous puissions savoir s'il est mort ou tout au moins grièvement blessé. Miss Eden inclina seulement la tête. Mais, reprit Paulin Broquet, il n'y a pas eu passage de courant, électrocution par conséquent, puisque nous avons du linge brûlé, un lingot de métal fondu, un bouton noirci. Il s'est produit une flamme. Il y a eu une étincelle. Très juste. Donc, arrêt dans le courant. Il s'est certainement produit un court-circuit. Vous devez avoir eu des plombs fondus dans votre tableau. C'est vrai. Bien, je m'en doutais. Au bout d'un court moment de réflexion, il reprit. Oui, cela doit s'être passé ainsi. Cet homme venait ici sachant assurément quel danger il courait, quel piège il devait redouter, le genre de défense qu'il allait rencontrer. Et il s'était équipé en conséquence. C'est-à-dire, cet homme portait un costume mauvais conducteur, qui le mettait à l'abri d'une décharge électrique. Il devait avoir des semelles en caoutchouc absolument isolantes, un vêtement de caoutchouc et de soie, et surtout des gants. Oui, des gants en caoutchouc. Des gants. S'il n'avait pas eu de gants, la secousse l'eût paralysé. Il n'eût pu détacher sa main de la poignée. Et c'est en lui, si je puis dire ainsi, que se serait produite la déflagration provoquée par le court-circuit. Vous voyez quelle perturbation cela eût occasionné chez lui, malgré ses semelles, son costume. Sans grand protecteur, cet homme était mort. Miss Eden écoutait silencieusement. Tandis que, reprit Paulin Broquet. Cet homme, ayant des gants en caoutchouc, se savait absolument garanti. Il devait l'être, il l'était. Mais l'inattendu s'est produit pour lui, ce qui, malgré toutes les précautions, arrive. La fatalité, en un mot, l'a frappé. Et cette fatalité, ou bien le crispin de son gant présentait un défaut, ou bien la manche de son costume protecteur était trop courte. D'une façon quelconque, il y a une fissure, une faiblesse. Le fameux défaut de la cuirasse. Bref, quand, très confiant, il a tourné ce bec de canne, le bec est entré en contact avec le bouton de métal de sa manchette, la déflagration a eu lieu, l'étincelle s'est produite et cet homme a été brûlé au bras. « Au bras ?» fit Miss Eden. « Au bras seulement !» appuya le détective. « Il a une zébrure de feu au bras, mais le reste du corps est intact. Mais même la main n'est pas blessée. »« C'est probable, » dit Miss Eden. « C'est cela, » affirma Paula Broquet. Tous deux alors se regardèrent un moment. Ils s'interrogèrent des yeux, comprirent qu'en leur cerveau passait la même pensée, le même soupçon, en leur âme la même angoisse. Mais ni l'un ni l'autre, par diplomatie, par prudence, pour ne pas se livrer en somme, ne voulut ajouter un mot. D'ailleurs, à quoi bon, maintenant ? Miss Eden passa sa main sous le bras de Paulin Broquet. « Rentrons, » dit-elle simplement. Ils pénétrèrent dans la serre, dans le pavillon de cristal, et se dirigèrent vers le perron de marbre qui, nous le savons déjà, conduisait à l'intérieur de la villa. Derrière eux, la porte de cristal à la redoutable poignée se referma automatiquement sans bruit. La porte se refermait à peine que de la pénombre, et semblant vraiment sortir de terre, parut un homme qui s'avança et vint coller son visage à l'une des glaces de la porte du pavillon de cristal. Cet homme était vêtu d'une sorte de capuchon de caoutchouc, d'une cagoule qui descendait jusqu'aux genoux. Dans cette cagoule, qui cachait sa tête, se trouvaient percés deux trous ronds que garnissaient de rondelles de cristal par où il pouvait voir. Il avait des bottes serrées à ses jambes. Les bottes étaient également en caoutchouc. Et quand, sur la poignée en bec de canne, il posa la main, cette main avait un gant de caoutchouc dont le crispin très long remontait jusqu'au coude. Sans hésitation, cet homme ainsi protégé pénétra quelques instants après dans le pavillon de cristal.